Comme il glaçait cet automne 2010, le soleil avait mis des gants sur ses rayons. Je suis né sans un frisson, car de la chaleur dans ma vie, il y en aura. Ils avaient des sanglots jusqu'au bout des cils, le dos courbé dans un champ de soucis. Regardez ma beauté qui transcende des sourires et des rires dans ma vie, il y en aura. Ça aurait pu être Véronique ou Angélique, mais moi c'est Rosalie. Les pleureuses ont des fontaines dans les yeux, les jours passeront même pour les malheureux. Mes bras n'enlacent que les amoureux, des cœurs gonflés d'amour dans ma vie, il y en aura. De soleil qui enflamme le ciel, des collines verdoyantes qui se perdent dans la nuit, du vent coquin qui siffle dans mes cheveux, du sel sur mes lèvres dans ma vie, il y en aura. Ça aurait pu être Annick ou Frédéric, mais moi c'est Rosalie. Rosalie, Rosalie. Des poèmes au vers qui entêtent, des chansons que l'on chante à tue-tête, des bons mots, de la verve, de la beauté dans les entrailles dans ma vie, il y en aura. Des réglisses qui entourent des fraises tagada, des fraises momifiées dans des fils de réglisse, du sucre plein les doigts, du sucre dans ma bouche, du sucre dans ma vie, il y en aura. Ça aurait pu être Anaïque ou Lénaïque, mais moi c'est Rosalie. Si un jour j'ai plus envie d'embrasser, si un jour j'ai plus envie d'aimer, je regarderai le soleil tomber à mes pieds. C'est quand même pas des chromosomes patraques qui auront raison de ma joie. Ça aurait pu être Monique ou Soazique, mais moi c'est Rosalie. Rosalie, Rosalie. Rosalie.